déconnecté la journée. Le poteau il nous met bien si ça tournait. La Madi va prendre une autre tournure. J'avance le cœur, balle après des points de suture. Je crois des fans tranquilles, ça l'aime la mif. Ils me disent t'es un bon, tu fais la diff. Reste, ça me change pas quand y'a des sous. Écoute pas les traites, mon frérot, évite la vie. Ça fait mal au fond que c'est étrange. Ça me touche pas, vieille folle, si tu me détestes. Au début, ouais, les critiques ça dérange. C'est avec le temps que Pélo tu t'y fais. Fais la star, ça t'agarde, ça hésite pas. Pour un feat, il faut jamais insister. Faut pas susceptible, ça t'aime pas, mais Ali, au moins reste comme c'est chacun sa chance, chacun son mektoub. On a tous un vécu, toutes nos petites arcades dans le hood. C'est chacun sa chance, chacun son mektoub. On a tous un vécu, tous nos petites arcades dans le hood. Dans ta pelle, tu leur réponds pas. Et ta peau folle, elle dit mec, tu l'as rempli de joie. Ils font les fous, mais dehors font pas la loi. Hajar un petit 10 ans plus tard, il vient vers toi. Tu te rends de la vache, t'as le power. Tu te crois dans power, tu veux reprendre la tower. Et dans le bloc, que des voleurs, que des jobbers qui vomissent les pâtes au beurre. Tu perds ton temps, tu perds des potes, tu perds des sous. Ils veulent ton bien mais ils te préfèrent en dessous. J'suis en deux temps, on se détend. Trop d'inspi dans ce qu'ils imitent. J'perds mon temps, c'est embêtant quand j'vois que le temps passe vite. Big up aux petits de la zip, qui barotent non-stop en zip. Big up mes frères dans le sup, qui sont présents quand tu bip. Premier arrivé, premier servi, c'est comme ça la vie. Et pas que dans ta pelle, tu leur réponds pas. Et ta faux folle, elle vieux mec, tu l'as rempli de joie. Ils font les fous, mais dehors font pas la loi. Hagar un petit 10 ans plus tard, il revient vers toi.